Hey les mecs, quoi ? Qu'est-ce que c'est Orala ? Tu connais pas ? Sérieux ? Sérieux, tu veux savoir ce que c'est ? D'où vous sortez ce nom ? Il est fou lui. Orala for life sans blague, ça te déplace, efficace, un son qui tabasse à la base dans un ancien langage. Cela représentait la croyance en Dieu, t'es les bons chrétiens, ma croix n'est que jamais mon quotidien. Orala c'est gravé sur mon bras, Orala c'est l'ami fac, j'ai pas eu que les miens. On y croira même quand tout va mal, n'est-ce pas la raison de la foi. La mienne ne disparaîtra pas, elle s'accroît avec le borac. Ma voix vous guide, qu'elle vous éloigne du vide. Sauvez le chemin du fils, laissez celui du vice. T'as pas eu des scores à la vise, ni les degrés de notice. De l'ampleur de la crise ou du contenu de nos valises. Tu veux un peu de franchise, y'a que sur la thune que les gens se focalisent. Se délocalisent, y'a plus rien de fixe. Moi je reste accroché au béton du quartier. Ces fondations sont là depuis que j'ai débarqué à chercher à me démarquer. Orala est là pour marquer, titulaire, vulgaire, puis la primaire. Ça a toujours pas changé. Changé. Orala c'est un mode de vie un peu moins restreint, un peu plus urbain. Orala tient ma vie entre ses mains et moi la sienne entre les miennes. For life. On se l'est dit. Oumna. Présent N2S. Ici. Orala, c'est les bons, les seuls et les vrais qui resteront et feront une union de cette fusion. Orala, fils, on apparaît sur une drôle de sensation et frissons. A chaque fois que je prends mon crayon, j'ai l'impression d'avoir gagné à l'euro million. Le rap, c'est ma religion. Alors pour tout ça, je me battrai comme un lion, personne me fera changer d'opinion. Me manipuler comme un pion. Orala, pour toi, c'est l'effet papillon. Le bruit de mon canon, braquage vocal au milieu du sillon. Pour les meilleurs d'entre nous qui se sortiront, Orala, tatoué sur la poitrine. Le son sort clean, les plus hardcore d'entre nous n'ont plus de place dans les narines. À force de prendre des coups, j'ai suivi un entraînement que celui des marines. Orala c'est un mode de vie un peu moins restreint, un peu plus urbain. Orala tient ma vie entre ses mains et moi la sienne entre les miennes. For life. On se l'est dit. Oumna. Présent N2S. Ici. Ok, j'avance comme vous avec une fin d'août. Dévorer ce qui se trouve autour de nous. J'ai pas attendu le 34 carats autour du cou pour faire le voyou. Le flingue rangé dans la poche, à l'âme contre ta gorge. Ferme ta gueule, je m'en bats les couilles, tes éloges. Orala, c'est un massacre vocal sur tes ondes. À te trôner toutes les deux secondes, à demander si on n'est pas planqué derrière ton ombre. Pour ceux qui parlent, je laisse jacter. C'est tellement beau de voir des putes mouillées d'envie. Pas encore à l'envahir, les autres pleurent sur leur vie. Eh cousin, fais comme moi, me fais de la tienne un putain de récit. Orala, c'est un mode de vie un peu moins restreint, un peu plus urbain. Orala tient ma vie entre ses mains et moi la sienne entre les miennes. For life. On se l'est dit. Oumna. Présent et le 2S. Ici. O J L A. Bouge quand le son est là, jamais sans ma présence. Oumna. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une prod illégale? J'y alors comme ça, maintenant on est potes, tu vois que j'exporte. T'as un blog? Sans blague. Sérieux, y'a du son téléchargeable gratuit et légal. C'est la première fois de ta vie? M'arrête, ta force de force, c'est l'interdit. J'ai fini banni de ma famille, interdit tous les clubs de nuit. Aujourd'hui je passe, y'a autour du coup un passe VIP légal. J'y. Orala c'est un mode de vie un peu moins restreint, un peu plus urbain. Orala tient ma vie entre ses mains et moi la sienne entre les miennes. For life. On se l'est dit. Oumna. Présent N2S. Ici.